Instruction complète et détaillée pour l'utilisation du jeu de tarot divinatoire Rider-Waite. 1. Introduction au jeu de tarot Rider-Waite. Le jeu de tarot Rider-Waite est l'un des outils de divination les plus reconnus et les plus populaires utilisés depuis des siècles pour obtenir des informations, des conseils et une autoréflexion. Dans ce guide complet, nous approfondirons les instructions complètes et détaillées pour utiliser efficacement le jeu de tarot Rider-Waite. De la compréhension du riche symbolisme des cartes à la réalisation de lectures précises et perspicaces, cet article vise à vous fournir une base solide pour explorer le monde profond du tarot. Que vous soyez novice ou lecteur expérimenté, ce guide vous fournira les connaissances et les techniques nécessaires pour débloquer la sagesse et les mystères cachés dans le jeu de tarot Rider-Waite. Histoire et contexte du jeu de tarot Rider-Waite. Le jeu de tarot Rider-Waite est le jeu de prédilection de nombreux amateurs de tarot depuis sa création en 1909 par l'artiste Pamela Coleman Smith et l'érudit Arthur Edward Waite. Non seulement ils ont collaboré à la conception du jeu, mais Waite a également fourni le guide qui l'accompagne. Ce jeu est connu pour son symbolisme riche et ses illustrations vibrantes, ce qui en fait un choix populaire pour les lecteurs débutants et chevronnés. Principales caractéristiques et symbolisme du jeu de tarot Rider-Waite. L'une des raisons pour lesquelles le jeu de tarot Rider-Waite a résisté à l'épreuve du temps est son symbolisme puissant. Chaque carte du jeu raconte une histoire, mêlant connaissances ésotériques et expériences de la vie quotidienne. Les images sont facilement identifiables, ce qui permet aux lecteurs d'exploiter plus facilement leur intuition et d'obtenir des informations. Les cartes arcanes majeures, numérotées de 0 à 21, représentent des événements importants de la vie et des énergies archétypales. Ils présentent des personnages à différentes étapes de croissance et de transformation personnelle. D'autre part, les cartes arcanes mineures, divisées en 4 couleurs, baguette, coupe, épée et pentacle, approfondissent des domaines plus spécifiques de la vie et fournissent des conseils détaillés. 2. Comprendre les composants du deck. Cartes dans les arcanes majeures. Les cartes arcanes majeures sont les poids lourds du jeu de tarot. Ces cartes décrivent des expériences de vie cruciales et des leçons spirituelles. Chaque carte porte son propre symbolisme et sa propre signification. Du voyage du fou vers un nouveau départ au sentiment d'achèvement de la carte monde, les cartes arcanes majeures offrent un récit complet des hauts et des bas de la vie. Cartes dans les arcanes mineures. Les cartes arcanes mineures fournissent des informations supplémentaires sur les différents domaines de la vie. Divisées en 4 costumes, chaque costume représente un élément différent et un aspect correspondant de la vie. Les baguettes représentent la passion et la créativité, les coupes incarnent les émotions et les relations, les épées représentent l'intellect et les défis, et les pentacles représentent les matières matérielles et l'abondance. Comprendre les combinaisons et leurs significations associées est essentiel pour une interprétation complète. Carte de cour, page, chevalier, reine et roi. Les cartes de cour représentent des personnes ou des personnalités dans votre vie, ou des aspects de votre propre personnalité. Chaque carte de cour a ses propres caractéristiques et énergies. Les pages symbolisent la curiosité de la jeunesse et les nouveaux départs, les chevaliers représentent l'action et l'ambition, les reines incarnent la maturité émotionnelle et nourrissante, et les rois représentent le leadership et l'autorité. Ces cartes peuvent fournir des informations précieuses sur les individus ou les énergies impliquées dans une situation. 3. Se préparer à une lecture de tarot. Créer un espace sacré pour les lectures de tarot. Avant de vous lancer dans une lecture du tarot, il est essentiel de créer un espace sacré qui vous aide à vous concentrer et à vous connecter avec votre intuition. Trouvez un endroit calme et confortable où vous pourrez être libre de toute distraction. Vous pouvez également améliorer l'atmosphère en allumant des bougies, en brûlant de l'encens ou en jouant de la musique apaisante. Nettoyer et dynamiser le jeu de tarot. Pour garantir des lectures précises, il est important de nettoyer et de dynamiser votre jeu de tarot. Vous pouvez le faire en tenant le jeu dans vos mains et en vous concentrant sur votre intention d'éliminer toute énergie stagnante ou négative. Certains lecteurs aiment utiliser des cristaux, comme le quartz clair ou le sélénite, pour nettoyer leur terrasse. Mélangez doucement les cartes tout en visualisant l'énergie positive qui les traverse. Mise à la terre et centrage. S'ancrer et se centrer est crucial pour établir une connexion claire avec les cartes du tarot. Prenez quelques respirations profondes, fermez les yeux et visualisez les racines s'étendant de la plante de vos pieds jusqu'à la terre. Sentez-vous enraciné et connecté. Cette pratique vous aidera à rester concentré et présent pendant la lecture. 4. Guide étape par étape pour effectuer une lecture de tarot. Mélangez et tirez les cartes. Une fois que vous vous sentez centré et prêt, mélangez le jeu tout en vous concentrant sur votre question ou votre intention. Lorsque vous êtes prêt, piochez les cartes en utilisant votre méthode préférée. Certains préfèrent les répartir et choisir intuitivement, tandis que d'autres préfèrent piocher depuis le haut du jeu. Faites confiance à votre instinct et optez pour ce qui vous convient. Placement et répartition des cartes. Le placement des cartes est essentiel pour organiser la lecture et gagner en clarté. Il existe différents spreads de cartes parmi lesquels choisir, allant des simples spreads à trois cartes aux spreads Celtic Cross plus élaborés. Chaque planche offre une perspective unique sur la situation actuelle. Expérimentez avec différentes tartinades et trouvez celle qui vous plaise. Définir l'intention et poser les bonnes questions. Avant d'interpréter les cartes, prenez un moment pour définir votre intention et poser les bonnes questions. Soyez clair et précis sur ce sur quoi vous souhaitez obtenir des conseils, car cela aidera les cartes du tarot à fournir des informations significatives. Évitez les questions par oui ou par non et concentrez-vous plutôt sur des enquêtes ouvertes qui encouragent une exploration plus approfondie. N'oubliez pas que les lectures du tarot ne sont pas gravées dans le marbre, mais plutôt des repères pour votre voyage. Faites confiance à votre intuition, adoptez le symbolisme des cartes et amusez-vous à explorer la sagesse du jeu de tarot Rider-Waite. 5. Interprétation des cartes, arcane majeur. Le fou à travers le monde, signification et interprétation des cartes. En ce qui concerne les cartes arcanes majeures du jeu de tarot Rider-Waite, c'est comme plonger dans le fond de la piscine. Ces cartes ont une signification symbolique importante et représentent les événements majeurs de la vie et les énergies archétypales. Mais n'ayez crainte, car nous sommes là pour vous expliquer tout cela. En commençant par The Fool, qui n'aime pas un bon imbécile, cette carte représente un nouveau départ, prendre des risques et embrasser l'inconnu. Il s'agit de descendre de cette falaise et de croire que l'univers vous soutient. Faites juste attention aux vraies falaises, d'accord? Passant au monde, cette carte signifie l'achèvement, l'épanouissement et la réussite. C'est comme ce sentiment lorsque vous terminez un projet vraiment difficile ou que vous terminez enfin un marathon de votre émission de télévision préférée. Prenez un moment pour vous féliciter, car vous le méritez. Comprendre la signification des cartes inversées. Maintenant, retournons les cartes et parlons des significations inversées des cartes. Lorsqu'une carte apparaît à l'envers, c'est comme un rebondissement dans votre lecture du tarot. Il ajoute une couche de nuance et indique que l'énergie de la carte est bloquée ou sous sa forme d'ombre. Par exemple, si le fou semble inversé, cela peut être le signe que vous hésitez à faire cet acte de foi ou que vous êtes un peu trop imprudent sans considérer les conséquences. C'est un léger coup de pouce pour trouver un équilibre et réévaluer votre approche. N'oubliez pas que les cartes inversées n'ont pas toujours une connotation négative. Ils peuvent également indiquer un potentiel caché, une énergie inexploitée ou un besoin d'introspection. N'ayez donc pas peur d'accepter le revers des cartes et d'explorer les couches de sens les plus profondes. 6. Interprétation des cartes, arcane mineur. Les quatre costumes, baguette, coupe, épée et pentacle. Passons maintenant aux cartes arcanes mineures. Ces cartes représentent les expériences, les défis et les émotions quotidiens que nous rencontrons dans nos vies. Considérez-les comme vos meilleurs amis du tarot qui sont toujours là pour vous aider à traverser les hauts et les bas. Le deck Rider-Waite comprend 4 combinaisons, baguette, coupe, épée et pentacle. Chaque combinaison est associée à différents aspects de nos vies, comme la passion et la créativité, baguette, les émotions et les relations, tasse, les pensées et la communication, épée, ainsi que le monde matériel et l'abondance, pentacle. Ainsi, si vous piochez une carte baguette, c'est comme un doux coup de pouce de l'univers pour exploiter votre élan créatif. Si vous recevez une carte coupe, il est temps de plonger profondément dans vos émotions et de vous connecter avec votre cœur. Des épées? Eh bien, il s'agit avant tout d'engager votre intellect et vos compétences en communication. Et les pentacles? C'est à vous de vous concentrer sur votre bien-être matériel et vos questions pratiques. Les cartes arcanes mineures numérotées, de la A à 10. Dans chaque couleur, vous trouverez les cartes numérotées de la A à 10. Ces cartes représentent différentes étapes ou aspects de l'énergie de la couleur. Par exemple, la A est comme une nouvelle explosion d'énergie, tandis que le 10 indique l'achèvement ou la maîtrise. Donc, si vous tirez le 9 de coupe, c'est comme une mini-célébration. Cette carte représente l'épanouissement émotionnel et la satisfaction. Si vous obtenez le 3 d'épée, préparez-vous à un peu de chagrin et de douleur. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un revers temporaire et tout cela fait partie du voyage. 7. Utilisez les spreads de tarot pour différentes questions ou situations. Spreads simples sur une seule carte pour des informations rapides. Parfois, vous avez juste besoin d'une dose rapide de magie du tarot pour obtenir des informations ou des conseils. C'est là que les spreads à une carte s'avèrent utiles. Mélangez simplement le jeu, concentrez-vous sur votre question et piochez une seule carte. C'est comme avoir une mini conversation avec votre deck. La carte que vous tirerez vous offrira une sagesse précieuse ou une perspective différente sur votre situation. C'est comme un petit murmure de l'univers qui vous guide dans la bonne direction. De plus, c'est un excellent moyen de mieux connaître vos cartes et d'établir une connexion plus profonde avec votre intuition. Spreads à 3 cartes pour le passé, le présent et le futur. Si vous recherchez un peu plus de profondeur et un aperçu de la chronologie de votre situation, une planche à 3 cartes peut faire l'affaire. Mélangez les cartes, concentrez-vous sur votre question et piochez 3 cartes. La première carte représente le passé, vous donnant un aperçu des facteurs qui ont influencé votre situation actuelle. La deuxième carte représente le présent, mettant en lumière ce qui se passe en ce moment. Et la troisième carte offre un aperçu de l'avenir, révélant les résultats potentiels ou les énergies sur lesquelles vous devriez vous concentrer pour aller de l'avant. C'est comme avoir une boule de cristal alimentée par le tarot, sans le brouillard mystique, qui vous aide à comprendre la situation dans son ensemble et à prendre des décisions plus éclairées. Croix celtique pour des lectures complètes. Si vous êtes prêt à plonger profondément et à percer les mystères de la vie, ou simplement votre situation actuelle, la croix celtique est votre superpuissance de choix en matière de tarot. Cette planche se compose de 10 cartes, chacune offrant une perspective et une couche d'informations différentes. La diffusion de la croix celtique couvre tout, de votre situation actuelle à vos espoirs, peurs, influences cachées et résultats potentiels. C'est comme un laissez-passer illimité à l'univers du tarot, vous offrant une lecture complète qui ne laisse rien au hasard. Mais attention, cette propagation nécessite un peu plus de temps et de concentration. Alors prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et préparez-vous à vous lancer dans une aventure de tarot qui vous laissera éclairer et inspirer. 8. Conseils pour améliorer vos compétences en lecture de tarot. Développez l'intuition. En matière de lecture du tarot, l'intuition est votre meilleur ami. C'est comme avoir un compagnon psychique qui peut vous aider à interpréter les cartes et à exploiter leur signification plus profonde. Pour valoriser votre intuition, il est essentiel de créer un espace sacré pour vos lectures. Trouvez un coin tranquille, allumez des bougies et prenez quelques respirations profondes pour vous recentrer. Laissez votre esprit se calmer et laissez les murmures de votre sagesse intérieure vous guider lorsque vous vous connectez avec les cartes. N'oubliez pas que l'intuition est un muscle qui se renforce avec la pratique. Alors n'ayez pas peur de faire confiance à votre instinct, d'expérimenter différentes techniques de lecture et d'embrasser le monde merveilleux du tarot. Maintenant, prenez votre jeu de tarot Rider-Waite, mélangez ces cartes et laissez la magie se déployer. Bonne divination. En conclusion, le jeu de tarot Rider-Waite offre un outil puissant pour la découverte de soi, l'orientation et la croissance spirituelle. En suivant les instructions complètes et détaillées décrites dans cet article, vous serez en mesure de naviguer dans le symbolisme complexe des cartes, d'effectuer des lectures significatives et d'approfondir votre connexion avec le tarot. N'oubliez pas d'aborder chaque lecture avec un esprit et un cœur ouvert, en permettant à la sagesse des cartes d'éclairer votre chemin. Avec de la pratique et du dévouement, le jeu de tarot Rider-Waite peut devenir une ressource inestimable pour la perspicacité et l'autonomisation. Embarquez pour ce voyage transformateur et embrassez la magie qui se déploie dans le royaume du tarot. FAQ 1. Puis-je utiliser le jeu de tarot Rider-Waite si je suis débutant? Absolument. Le jeu de tarot Rider-Waite est un excellent choix pour les débutants. Son symbolisme riche et ses images détaillées facilitent la compréhension et l'interprétation des cartes. Avec les instructions fournies dans cet article, vous disposerez d'une base solide pour commencer à explorer le monde des lectures du tarot. 2. Est-il nécessaire de mémoriser la signification de toutes les cartes? Bien qu'il puisse être utile d'avoir une compréhension de base de la signification des cartes, il n'est pas nécessaire de les mémoriser chacune d'elles. Le tarot est une pratique hautement intuitive, et vos propres interprétations et intuitions jouent un rôle important. Il est recommandé de passer du temps à étudier et à vous familiariser avec les cartes, mais permettez-vous de vous connecter avec les images et laissez votre intuition vous guider lors des lectures. 3. À quelle fréquence dois-je nettoyer et dynamiser mon jeu de tarot Rider-Waite? La fréquence de nettoyage et de dynamisation de votre jeu de tarot dépend de vos préférences personnelles et de la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Certains lecteurs préfèrent nettoyer leur deck après chaque lecture, tandis que d'autres le font une fois par semaine ou lors de changements énergétiques importants. Faites confiance à votre instinct et nettoyez le deck chaque fois que vous sentez qu'il a besoin d'un rafraîchissement pour maintenir sa clarté et son intégrité énergétique. 4. Puis-je modifier ou créer mes propres planches de tarot à l'aide du jeu de tarot Rider-Waite? Absolument. Les planches de tarot peuvent être adaptées à vos besoins et questions spécifiques. Bien que les spreads traditionnels soient couramment utilisés, il n'existe pas de règles strictes lorsqu'il s'agit de créer ou de modifier des spreads. N'hésitez pas à expérimenter et à explorer différentes mises en page qui vous correspondent. Assurez-vous simplement que la diffusion permet une exploration complète de la question ou de la situation en question. Page 43, nous allons parler des instruments électroniques qui peuvent aider à percevoir des entités. Page 43.